Leçon 14. 14e leçon. Le dîner est servi. Première partie. Guy Martin est invité chez les Louviers. Ce soir, je suis invité chez les Louviers. Marie-Claire, ma sœur, est invitée, elle aussi. Nous sommes invités à dîner. J'adore sortir le soir. Mais je suis tellement occupée que je ne sors guère. Marie-Claire, elle, sort beaucoup plus souvent. Nous sortons rarement ensemble. Elle a ses amis et moi, j'ai les miens. Après la mort de nos parents, nous avons décidé de vivre chacun notre vie. Les Louviers sont de vieux amis de la famille. Quand nos parents sont morts, ils nous ont adoptés, en somme.